Boum boum boum. Boum boum boum. Musique française. Des années 60 à 80. Boum boum boum. Musique française curieuse tous les mercredis soirs de 22h à 23h sur Prune 92 FM. Ce soir, c'est carte blanche. Ça faisait longtemps. On avait reçu les Nantais de Chantal en décembre pour deux émissions. On avait reçu les filles de Fast et Furieuse en janvier pour deux émissions. C'est au tour de Gritz de passer derrière nos platines pour deux émissions. Gritz, c'est une association et un collectif de DJ actifs depuis longtemps à Granville, dans la Manche et à Nantes de plus en plus. Pour le premier de leurs deux podcasts, Gritz nous a envoyé l'un de ses membres fondateurs, Dimitri Sélectif, a.k.a. Masto, un pseudo sous lequel il joue plutôt de la art techno. J'ai l'impression que Dimitri Sélectif est un petit peu plus sage, quoique ça reste encore à démontrer. On va naviguer ce soir entre l'Italo Disco, la New Beat et l'Euro House pour un mix super pointu et super curieux. Dimitri Sélectif met la barre très haute pour le premier des deux podcasts de Gritz. Bonne écoute, à la semaine prochaine. Le désir de gagner de l'argent domine tout et ruine tout. To buy, it seems, is the only thing we're living for. Acheter semble le seul objet de l'existence. Television. La télévision. Turning the world. Changer le monde. Into one global village. Le village global. Television. La télévision. Teaching us how to buy. Nous apprendre comment acheter. Television. La télévision. Showing us what to buy. Nous montre ce que acheter. Our children. Notre enfant. Trained to be. Entraîné d'être. Perfect consumers. Des consommateurs parfaits. The consumers of tomorrow. Les consommateurs de demain. They will always gonna know how to buy and what to buy. Anytime. Ils sauront toujours comment d'acheter et ce que d'acheter, de tout temps parti. And love's losing ground. I am losing ground. Et l'amour perd du terrain, je perds du terrain. The people around me. Les gens autour de moi. All looking for this personal success. Tout là à rechercher du succès personnel. This personal gain. Du gain personnel. This personal profit. Du profit personnel. They go to work. Ils se mettent au travail. They go to work. Ils se mettent au travail. Leaving their brains at home. Laissant leur cerveau à la maison. Je suis un homme solitaire. I am a lonely man. Conspicuous consumption. La consommation surprenante. The consumer fantasizes. Le consommateur imagine se transformer. Désirer, obtain, obtenez, use, user, disappointment, la déception, new wish, le nouveau désir, never ending cycle, une cercle vicieux. Wish, désirer, obtain, obtenez, use, user, disappointment, la déception, new wish, le nouveau désir, never ending cycle, une cercle vicieux. Class, la classe, status, l'état, beauty, la beauté, youth, la jeunesse, inner emptiness, le vide interne. Class, la classe, status, l'état, beauty, la beauté, youth, la jeunesse, inner emptiness, le vide éternel. Real experience, expérience véritable, talk, parler, dance, s'enfoncer. Fighting. Se battre. Making love. Faire l'amour. Let's make love. You and me. Faire l'amour, toi et moi. You'll bring the body. And I'll bring the beat. Vous prenez le corps et je prendrai le rythme. Come with me. Venez avec moi. Away from this society dominated by materialism. Quitte cette société dominée par le matérialisme. This society with its business-like character. Cette société avec le caractère objectif. Venez avec moi. Away. This anonymous existence, material safety. Cette existence anonyme dans la sécurité matérielle. Come with me, my friend, because you're my best friend. Venez avec moi, mon ami, parce que tu es un meilleur ami. I've heard of this place, a faraway place. Some say it's heaven. J'ai attendu une place lointaine, telle que cela appelle un chien. I wanna go there, to this place called heaven. Je veux y aller, vers cette place appelée le chien. I wanna go there. Je veux y aller. Cause I don't wanna spend my life in this noise, this smell, this dirt. Parce que je ne veux pas passer ma vie plus longtemps dans cette brume, dans cette

Amore. Wo liegt Kuba? Wo liegt Mexiko? Wo liegt Kuba? Wo liegt Mexiko? Thank you. I am sure. Mais alors, I am tout à fait sûr que c'est un coup de Fantomas. Être bientôt le maître du monde. bien tout de suite. Si vous avez des pierres plein les poches, de ces pierres que l'on jette aux Arabes, aux homos, aux drogués, aux paumés, avant de m'écouter, videz vos poches, ou bien partez. Car je vous le dis sans algarade, je suis un peu arabe. Et si je ne néglige pas les nanas, le ciel en soit loué, je suis un peu pédé. Où est la corde qui me pendra? Société de tous les parasites humains, je me suis égaré sur tant d'obscurs chemins, d'étranges chemins où les sens exacerbés vous donnent l'illusion de vraiment exister. J'ai vu tant de pays en tout point tout semblables, car tous peuplés d'hommes et repères de diables. J'ai vu des religions sans apercevoir Dieu, car Dieu, Dieu j'en suis sûr, se promène en tout lieu, sauf dans les dogmes de toutes vos religions, abri de fanatiques et d'attrape-couillons. Découvert, horrifié dans mon lit, dormant nu et comblé, avec un air tranquille, entre les bras d'ébène d'un chômeur immigré. Ta chère progéniture, ta petite bourgeoise de fille, tu vas s'y faire ma pauvre et trouve cela immonde. Et puisqu'elle est ici libre et de son plein gré, tu peux bien faire appel à tous les flics du monde. Elle est heureuse et tu n'y pourras rien changer. Je suis un peu arabe, et si je ne néglige pas les nanas,